original Don Valdez. Pas de problème. Il a donné de la musique, yeah, man. Yeah, man, yeah, parce qu'elle est en nous. La musique est notre style de musique, yes. All right. Maximum respect. Ok. Original. 14.9 RBS, acoustic style, man. Yeah. Ah, ce soir. Ça. Parce qu'il nous en faut beaucoup, il nous en faudrait encore plus, Sin. Hein? Cette musique-là, il en faut plus. Ils essayent de la couper, simplement. Et j'espère que, je sais que dans tous les quartiers, même sans radio, même sans télé, la musique, elle peut être là, Sin. Il y a même des gens qui veulent nous empêcher de se réunir pour la faire passer, Sin. Yeah, ouais. Hein? Même parler entre nous, c'est de la musique. Écoute ça, c'est du son qui sort de nos bouches, de nos cœurs. Article. Sairi, maintenant, viens donner ça, man. Qu'est-ce qu'il nous faut de l'envie, man? Alors écoute ça. Hey, yo!